Et c'est pas vrai que la littérature attire pas de monde, hein? Non, c'était plein, hein? Il y avait quoi? Pas loin de 30 personnes facilement. Ils ont refusé des gens ce samedi-là. Non, c'était vraiment une promenade. Bon, faut dire que la promenade des écrivains, c'est quoi? Ça existe depuis l'année 2000. Oui. C'est Marc Rochette, professeur de littérature au Cégep Garneau, qui a commencé ça. D'ailleurs, là-dessus, lui a été ma première entrevue à une époque où j'étais encore bien, bien poche à la radio. En tout cas, plus poche que là. Si vous, bon, tu t'es améliorée. Les gens. Je me suis améliorée. Et c'était vraiment l'émission La vie en prose. Et c'était, je me rappelle même plus si c'était au Champ d'Auteuil ou au Foubar. En tout cas, on l'avait fait à l'extérieur. Et j'étais restée debout avec lui derrière un genre de truc. Fait que déjà que j'étais nerveuse et ça s'améliorait pas à être debout, à trembler là sur place. Ça aide pas. Ça aide pas. Je posais des questions à peine formulées. Il y a eu la gentillesse de les comprendre et à bien répondre. Il était bon avec toi. Il était vraiment gentil avec moi parce que moi, j'étais vraiment... Et ça me faisait tellement de la peine parce que les promenades, déjà à l'époque, c'était quelque chose et ça ressemble en rien ce qui se fait aujourd'hui avec Marie-Ève Sévigny. Ceux qui nous écoutent savent. Elle participe à l'émission. Ce soir, elle donne une conférence justement sur les promenades, mais de toute manière, elle ne serait pas venue pour en parler, pour ne pas être en conflit d'intérêts. Mais nous, on s'est dit, on ne passe pas à côté parce que c'est vraiment quelque chose. À l'époque, qu'est-ce que c'était? On se promenait, surtout dans le Vieux-Québec, et Marc lisait des extraits de textes qui se référaient à l'endroit où on était. Et c'était toutes sortes d'auteurs. Ça se tenait par la littérature. C'était déjà ça, mais aujourd'hui, c'est autre chose. C'est hein? autre chose parce qu'elle, entre autres, sur l'histoire, elle a beaucoup, beaucoup de références historiques qui sont assez impressionnantes. C'est une promenade assez complète. Moi, c'était intéressant parce que celle qu'on a faite samedi, c'était sur le quartier Montcalm, où j'ai vécu plusieurs années, où on s'imagine qu'on connaît bien nos quartiers. J'ai découvert beaucoup de choses sur le quartier Montcalm. Au-delà du littéraire. Au-delà du littéraire, mais et le littéraire sert cette recherche-là. On part devant le centre communautaire, je me souviens jamais. C'était le Kofi. Quand moi j'arrivais au Québec, c'était le Kofi à l'époque, exactement. Moi, quand j'habitais là, c'était encore le Kofi. Juste en face du Québec High School. Je ne savais pas que c'était une ancienne école secondaire, donc déjà. Moi non plus. Donc, juste ça, et le parallèle, parce que ça, c'est un texte d'André Ricard, il y avait le parallèle entre les Franco, qui avaient la cour pas très belle, pas beaucoup de place, et les anglophones, qui avaient la super belle cour, toute verte. Bâtiment plus moderne aussi. Beaucoup plus moderne, où ils pouvaient jouer au soccer, il y avait comme toute la place. Puis là, il expliquait aussi qu'il y allait au YMCA, les anglophones, pendant que les francophones allaient manger de la poutine. S'ils mangeaient de la poutine, exactement. Et aussi l'incursion de la religion dans ce texte-là, exactement. Qu'on voit très bien la différence entre les catholiques et les protestants en ville. Oui. Moi aussi, j'ai appris plein de choses. Je travaille dans le quartier Montcalm. Je me promène dans le quartier Montcalm et elle m'a amenée à des places où je suis passée 1000 fois. Oui, sans exactement. Savoir ce qui se cache là. Mais la fameuse petite maison sur de Bougainville. Oui. Qui est en retrait de la rue, qui est une ancienne forge. C'est juste ça, c'est fascinant. Ouais. Le petit chemin du bonheur. On va mettre un album photo. On a ramassé quelques... On a pris des photos. On va mettre sur la page Facebook. Il y a quelque chose là. Puis il y a question de littérature aussi. Oui, donc elle se promène dans ces lieux-là. On est passé devant l'une des maisons de l'ancien appartement d'André Ricard, justement, la maison de Claire Martin. Christine Eddy a fait un très beau texte sur la rue Fraser. Vraiment très, très beau. C'est ça, c'est des textes sur commande dans ce parcours-là. Okay. Ouais, c'est des textes commandés. Et on était au bon moment, par exemple, pour Christine Eddy, parce que le texte parle du pont des arbres. Et là, il y a du vert dans les arbres, donc les cimes se touchent. C'est ça le fameux pont des arbres dont elle parle. On a vu la maison d'Anne Hébert. Exactement. Il y avait un beau texte de Julie Stanton. Il y a StarCraft, Gilles Pellerin, donc on se promène. Puis ça se passe comment? Elle raconte, puis après ça, elle lit? Elle lit à bout et on se promène et le texte continue d'une station à l'autre. Ouais. Ça fait qu'elle donne le détail et en même temps, après, elle continue la lecture. Fait qu'on accompagne un personnage. Esther Croft, c'est une vieille dame qui part du Saint-Patrick et qui remonte dans le temps le chemin de sa jeunesse pour finir finalement à la maison des morts, l'épine, au bout de, des érables. Et vraiment, on suit tout le chemin avec la petite vieille qui se refuse de descendre la côte pour pas trop s'approcher des morts. Ah, OK, OK. Ça, je pensais qu'elle voulait pas aller à Basseville. Non, c'est ça. Et c'était vraiment toute la rue Crémazie qui est racontée comme ça avec le texte d'Esther Croft. C'est vraiment, c'est très bien fait. C'est tofu. Il y a... Bon, Marie-Ève, on l'a remarqué ici, elle a beaucoup d'humour. Elle lit très bien, mais j'ai déjà été guide touristique dans une autre vie. Mm-hmm. Et on nous disait toujours d'éviter les questions de religion, sexe, politique. Elle part sur la politique, pas de trouble, sur la religion, pas de problème. Et elle fait ça avec tellement de charme. Et moi, je pense pas que ça pose problème, là. Et ça va vraiment... avec les textes aussi. Quand on connaît Marie-Ève, elle n'est jamais à court de mots. Exactement, c'est ça. C'est du Marie-Ève. Exactement. Et ce qui est intéressant dans la conception de tout ça, qu'à chaque mois, les tours changent. Oui. Ça fait que là, on a... à chaque jour, parce que le samedi et le dimanche, c'est jamais les mêmes. Exact. Ça fait que le samedi, c'était Montcalm. Hier, c'était le... Les romans fleuves, les sagas historiques dans le Vieux-Québec. Okay. C'est ça. Et là, à partir de juin, un que je veux voir, c'est le premier jardin d'Anne Hébert, qui est probablement aussi dans le Vieux, plutôt. Sûrement. Et il y a, en alternance, sur la piste de Maud Graham, qui est plus en Hauteville, ça, et la basse ville de Christine Brouillette. Là, ça fait que c'est une semaine sur deux. Mm-hmm. Fait que ça donne déjà un méchant choix, là, de tour à faire. Exactement. Moi, j'ai déjà fait le petit monde de Roger Lemelin aussi, qui fait la côte de la Pendeuse. Exactement. Saint-Sauveur. Donc, c'est ça aussi. Qui part, ça, c'est intéressant parce qu'il part du Parc des Braves pour nous montrer justement qu'est-ce que les gens de la Basse-Ville, leur rêve, c'était d'accéder dans la haute. Et il explique qu'il jouait à Tarzan, entre autres, pour monter jusqu'en haut. Tarzan qui était l'idole de l'époque. J'ai fait ça. Oui. Personnellement, j'ai fait ça. À la côte de la Pendeuse, exactement. Puis je restais sur Arago en bas. Non, c'est ça. C'est vraiment une visite intéressante. Moi, j'ai eu la chance de le faire quand l'église était encore là aussi, donc 2-3 semaines avant qu'elle soit démolie. J'ai redécouvert un quartier, effectivement, dans cette fois-là. Elle a le don. Elle a vraiment le don. Tout à fait. Il y a aussi, il va y avoir plus tard Jacques Poulain. Ça, je ne vais pas manquer ça. C'est le mois de septembre. Il y a Québec, ville réelle et fictive. Ça aussi, ça me tente. Ça, je suis curieuse. Moi aussi. Fait que finalement, à chaque mois, on a quelque chose. Nouvelle-France aussi peut être très intéressant. Oui. Moi, il y a le Polar à Québec en octobre quand ça commence à être gris. C'est le bon moment. Il faut dire que c'est vraiment une grande année à Christine Brouillette et Maud Graham parce que Marie-Ève vient de publier avec Christine Brouillette sur la piste de Maud Graham, c'est des promenades. Ça, c'est la partie de Marie-Ève et Gourmandise, la partie de Christine Brouillette. Donc, paraît-il. Livre qu'on n'a pas encore vu. Non, il n'est pas encore paru, c'est ça. Il est sur le point de. Oui. Il est parti chez l'imprimeur. À l'imprimerie, à matin. Il est imprimeur, oui, c'est ça. Chez l'imprimeur depuis... Sur Facebook, à matin, il était rendu à l'imprimerie. C'est ça, moi, c'est ce que j'ai vu, moi aussi. Ben, t'es parti samedi, là. C'est ça. On a les mêmes références. Oui, exactement. Et ce qui est très chouette aussi, moi j'ai beaucoup aimé ça. Après les promenades, elle envoie vraiment un dossier de toutes les lectures des auteurs avec toute la bibliographie des auteurs dont elle a parlé à chaque promenade. Oui. Fait que tu reçois le dossier et là, moi je m'en rends compte que j'ai plein de choses à lire cet été. Non, c'est ça. Il y a vraiment, comme Claire Martin, il y a des livres sur sa liste que j'avais pas vu nulle part et qui vont être probablement même difficiles à trouver. Et André Ricard, que j'avais jamais lu, j'avais beaucoup aimé son texte. Ça fait que non, c'est vraiment... je trouve que vraiment, on a fait un beau tour. Oui, puis son travail, si on veut les trouver. Il y a une page web sur la promenade des écrivains. Mais d'ailleurs, c'est recommandé de s'inscrire à l'avance parce que justement, samedi, c'était complet. Oui. Je crois que c'est assez souvent complet. D'ailleurs, petite plug pour les hommes, celui sur les romans fleuves. J'ai un ami qui est allé dimanche pour nous et il m'a dit il était 20 femmes pour un homme. Donc, un homme qui cherche une femme, c'est le bon endroit pour rencontrer. Sauf que lui, Marie-Ève dit que c'est tout le temps de même. Oui, c'est ça. Oui, ça coûte 15 $ pour étudiants, c'est 10. Mm-hmm. On peut réserver à la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste au 418-641-6798 ou on écrit à promenade.écrivain@yahoo.ca. Et évidemment, on trouve tout ça sur la page web aussi. Qui est la promenade des c'est si je le trouvais dans toutes mes feuilles là j'ai l'air ça doit être facile à trouver ouais, quand même ben, ça promenade des écrivains quelque chose comme ça exactement là je le trouve toujours pas. Le premier choix comment je oui. On va sur un moteur de recherche pour faire ouais, exactement en mettant promenade écrivain on arrive dessus plus Québec à la rigueur mais je pense ouais. qu'on est pas mal unique avec ces promenades là c'est un très beau concept oui et j'ai bien compris il y a les causeries reviennent plusieurs fois, comme par exemple Maud Graham, qui va y en avoir plus. Ça, c'est pas mal tout l'été, mais les autres, c'est au moins 4 fois exactement. Dans okay. l'année. Okay. Ça fait que Jacques Poulain, on va se lancer ça à un moment donné, on va y aller. J'ai réservé pour le 7 septembre. Ah. Déjà réservé? Déjà réservé. Il y a du monde... Il est d'avance. Hein? Il est d'avance. Il faudrait qu'on se... Il a l'air après avoir 2 jours d'avance que je fais. Je pense que c'est Jacques Poulain. Ah oui, non, ça, c'est vrai. OK, vu de même. Et Marie-Ève. On va faire une petite pause musicale et on revient avec un petit voyage à Marseille. De retour à l'émission Les bouquins d'abord, on vient d'écouter Miles Davis, Gilles Chomel. Fais-nous voyager à Marseille, toi. Avec Jean-Claude Izzo. Oui. Qui est un auteur marseillais. En fait, aujourd'hui, on parle à l'occasion de littérature marseillaise, de polar marseillais. Mm-hmm. C'est à cause de Jean-Claude Izzo. C'est le premier à vraiment avoir mis Marseille comme personnage de roman dans sa trilogie. Ça s'appelle la trilogie Fabio Montale, du nom du héros. Qui est un enquêteur des faubourgs. OK. Qui essaye de maintenir l'ordre dans les quartiers. Ah, il doit s'amuser beaucoup, lui. Il s'amuse beaucoup. Mais c'est parce que c'est un gars relax et puis à qui on a donné aucun moyen, c'est pas garde, c'est juste on est au pays du Front National quand même. Ah ouais. Et puis c'est toujours d'actualité parce qu'il y a beaucoup de questions dans les surtout cette semaine. On va commencer avec Jean-Claude Izzo. C'est un fils d'ouvrier qui a été élevé à Marseille, son père était italien. Un docker, quelqu'un qui est venu travailler pour construire Marseille, pour construire les quais. Et lui, quand il est allé à l'école, il était bien bon à l'école, mais ils l'ont, parce que c'est un fils d'Italien, inscrit dans une école technique, ce qui n'était pas sa place. Il a par la suite persévéré, il était dans les jeunesses catholiques, puis il a fini communiste. Bon. Beau parcours. Oui, beau parcours. C'est pas le seul qui est passé par là pour devenir communiste. Et c'est un travailleur de l'édition. Il a été journaliste, il a été éditeur, il a travaillé pour des maisons d'édition avant de tranquillement se mettre à la poésie et se mettre au roman. C'est quelqu'un de gauche qui a toujours travaillé pour et avec les syndicats. Et dans tous les romans, dans les 3 romans de la trilogie, c'est-à-dire Total Chaos, Chourmeau et Soléa, il est beaucoup question des luttes sociales, de la condition sociale, de la vie à Marseille. Marseille est un personnage qui est probablement le personnage le plus important de à chaque page, tu voyages à travers les rues, dans les bars, tu vas écouter du jazz parce qu'évidemment, c'est... En fait, Total K-Op, c'est une chanson de I Am, qui est un groupe rap des années 90. Chourmo, c'est un état d'esprit, ça veut dire galère, comme galérer. Et puis, on est tous, Chourmo, on est tous dans la même galère, on est tous dans le... Ça, c'est le titre du deuxième roman. Le troisième, c'est Soléa. C'est une des plus belles pièces de Miles Davis. C'est une de celles que Iso aimait le plus. Et ça termine... Qu'on vient d'entendre. Oui. Et celui-là, tu veux dire silence, finalement. Parce que c'est la fin qui s'en vient. Et puis, c'est tout qu'on a, on a pu entendre. C'est tout doux. Alors que le roman, il roule les trois romans, cette trilogie. Parce que ça sert à rien. On peut acheter les trois romans séparés. Mais pour... moins cher que le prix d'un seul, vous allez avoir... Oui, on les, met maintenant la trilogie ensemble. Pour 22 $ les trois romans c'est ensemble. C'est au Folio, policier, et c'est apparu chez Fleuve Noir quand c'est sorti, évidemment. Et on a aussi une biographie assez intéressante d'une dame qui est en train d'écrire elle-même une thèse de doctorat sur Fabio Montale, pas Fabio Montale, mais plutôt Jean-Claude Iso, son héros. Elle s'appelle Nadia Doucard et elle vous fait tout le parcours de l'auteur. Moi, je vous suggère, par contre, de lire les romans. Et c'est facile, quand vous allez commencer la première page, vous serez pas capable de pas vous rendre à la page 812. Parce que ça fait ça totalise 812 pages de péripéties hallucinantes, Ça fait que la préface, on la lit après. On la lit après. Comme toujours. On apprend à lire, on apprend mais sur l'auteur. C'est vrai, mais tu fais toujours ça. Mais c'est ça. Et ça se passe à Marseille. Lui, il vit un peu en banlieue, dans les calanques, dans une petite cabane sur le bord de l'eau où il va à la pêche régulièrement, où il assiste à des couchers de soleil, il prend du vin tout le temps, il écoute de la musique tout le temps, mais il est toujours pris dans des histoires absolument aberrantes, où la mafia est reine, où les islamistes ne laissent pas leur place non plus, où la police est d'un racisme rare, et c'est tellement actuel, là, malgré... Ça se passe dans les années 90. 1988. Ça se termine en 1988. OK, c'est ça. OK? Mais, et, je veux dire... Mais les problèmes sont les mêmes aujourd'hui. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Non, sinon, ils se sont empirés. C'est pire, oui, effectivement, parce que la montée de la droite est encore plus importante qu'à l'époque, et on la craignait déjà à l'époque. Exactement. Ben oui. Surtout venant de Marseille et du sud de la France. Et puis, elle se répand. C'est ça, parce que maintenant, elle est plus juste dans le sud. C'est ça, les élections européennes, hier, ont donné 25% au Front national. Oui. Ouais. Alors, bref, c'est tout ça qu'il y a là-dedans. Beaucoup de soleil, beaucoup de musique, beaucoup d'humain. Il y a beaucoup d'humanité dans son écriture. Et c'est pas juste un stribouilleur de palard, c'est un écrivain. Ouais. Et... Mais c'est toujours... Bon, je sais pas, là, les victimes, c'est les pauvres ou c'est les méchants ou... Là, on ratisse vraiment... Premier, les victimes, c'est ses deux amis, Hugo et Hugo, et j'ai oublié le nom, qui étaient ses deux amis d'enfance, mais qui ont viré un peu de travers, qui ont viré bandit. Lui aussi, il a fait des vols, il raconte d'ailleurs dans son... Mais finalement, il est devenu policier par désœuvrement, je pense, plus que d'autres choses. Okay. Ben, admettons que c'est presque la même formation, dans certains polars, effectivement. Dans le deuxième tome, c'est un jeune puis sa blonde qui se font assassiner, mais c'est la mafia. Parce qu'ils sont trouvés dans un bâtiment en construction à un moment donné où il n'y aurait pas dû être là. On n'a jamais vu ça, la mafia dans la construction, nous. Non, faut lire ça. Faut lire ça, certain. C'est vraiment de la fiction. C'est ça. Et le troisième, c'est son amie Babette, qui est journaliste. Les femmes là-dedans sont toutes belles, sont toutes chaudes, puis regarde ça, c'est pas compliqué, là. C'est très méridional comme roman. Et puis vaguement macho aussi, si on peut dire. Sont toutes chaudes, hein, c'est ça? Oui. Oui, oui, oui. Eh bien. Oui, tu liras, tu vas voir. Ah, ben, OK, d'accord, je vais le lire. En tout cas, je veux dire, toutes les femmes avec qui il a des. Le personnage a des relations sont des femmes à peu près comme lui, là, donc, qui acceptent. Mais en même temps, il y a beaucoup. Étonnamment, il y a beaucoup de pudeur, malgré Malgré les femmes chaudes. Malgré les femmes chaudes, malgré l'alcool, malgré la violence, là, il y a beaucoup de pudeur dans sa façon d'aborder les êtres humains. C'est une trilogie absolument vraiment extraordinaire. Ça a l'air d'être une grande humanité. La vie puis la mort. Ça commence un chapitre comme ça. Ou parfois, ce qu'on a sur le cœur s'entend mieux que ce qu'on dit avec la langue. J'avais déjà ça dans la tête hier soir en rentrant de chez Hassan au bord des maraîchers. Ce n'était pas une des idées qui parfois traversent l'esprit, non. Je sentais vraiment la mort autour de moi, son odeur de pourriture, dégueulasse. J'ai reniflé mon bras, ça m'avait dégoûté. C'était cette odeur, la même. Moi aussi, je puais la mort. Je m'étais dit, Fabio, t'énerve pas, tu rentres à la maison, tu te prends une petite douche, tranquille, tu sors le bateau. Un peu de fraîcheur de la mer et tout rentrera dans l'ordre, tu verras. C'est un policier, il venait de tuer quelqu'un. On est vraiment dans l'atmosphère. Voilà. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est effectivement un roman d'atmosphère. Ça, c'est vraiment. Ouais, ça a l'air d'être vraiment une belle lecture d'été, ça. Je te remercie, Gilles. On part en pause et on revient. On part à Venise après. Lundi le 2 juin dès 15h30, soyez aux premières loges du lancement de la nouvelle programmation estivale de CKRL. Animation, sourire et crème solaire extrême 89.1 seront au rendez-vous. Venez rencontrer vos animateurs favoris et profitez-en pour découvrir notre nouvelle bière rousse fabriquée spécialement pour CKRL. On s'envoie un texto et on y va! Du 12 au 15 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 31e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Avec les Sœurs Boulay, les Hey Babies, les Chercheurs d'or, Alex Nevsky, Patrice Michaud et plusieurs autres. Je te collerai aux fesses comme des shorts. Le Festival de la chanson de Tadoussac en pleine nature. Informez-vous au 1-866-861-4108. Billets en ligne sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Belle Gueule. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le Disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Ne manquez pas le lancement de la programmation estivale animée par Jean-Sébastien Grondin et Tania Bellacasse au Bal du Lézard et en direct du 89.1 le 2 juin dès 15h30. Cette émission vous est présentée par Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Maison Thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Emballée sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. De retour à l'émission Les bouquins d'abord. Et je suis avec Pauline Bolduc qui a lu pour nous le dernier Donna Leon, mais j'aimerais vraiment beaucoup qu'on va dans le Venise de Donna Leon. De Donna Leon. Oui, mais... pas juste suivre les romans, mais vraiment parce que c'est une Américaine qui vit là-bas. Elle vit une partie de l'année J'ai appris ça à Venise, mais dès que les hordes de touristes déferlent dans cette ville, elle s'en va dans son autre ville d'adoption, à Zurich, en Suisse. Elle a obtenu la nationalité suisse en passant en disant que c'était beaucoup plus facile pour elle, beaucoup moins compliqué avec la bureaucratie suisse qu'avec la bureaucratie italienne. Mais c'est normal. je trouve ça très logique. Et parlant de bureaucratie, alors c'est un des fils que l'on retrouve dans tous les romans qu'elle écrit avec son personnage du commissaire Guido Brunetti. Mais d'abord, je voudrais dire, c'est la 20e parution en français de Donna Leon. Ouais. En anglais, il y en a 22. Et elle est déjà rendue jusqu'à son 25e dans sa tête et tout. Elle écrit en moyenne un roman par année. C'est une dame qui va avoir 72 ans. Il faut donc dire qu'elle a commencé à écrire, elle avait 50 ans. Alors, il n'est jamais trop tard. Oui. On lance ça à tous les apprentis écrivains qui se disent « Ah, passé 30 ans, c'est plus le temps. » Elle a débuté à l'âge de 50 ans avec un premier roman, Mort à la Fenice, je ne sais pas trop si je le dis bien, qui a obtenu des prix, qui a eu un impact immédiat. Et elle a poursuivi par la suite et on a devant nous le 20e qui s'appelle en français « Deux veuves pour un testament ». Ce qui n'a rien à voir avec le titre en anglais, mais bon, j'ose pas le dire, mon anglais est un peu pitoyable parfois. « Drawing, draw to design, impressions », en tout cas. Je vais parler rapidement de ce roman-là, mais d'abord, encore une parenthèse pour dire que pour ceux qui ne l'auraient jamais lu, cet auteur, Donna Leon, il n'est pas nécessaire de commencer avec le premier parce que chaque roman s'autosuffit. Par contre, moi, je recommande vraiment, pour ceux qui ne l'auraient jamais lu, de commencer par le premier parce que ça se développe tout du long et j'y reviendrai. Cette dernière parution, donc, « Deux veuves pour un testament ». Alors, j'étais contente parce que moi, j'ai tout lu. Alors, à chaque fois, c'est une fête. Puis comme elle nous gâte en publiant en moyenne un roman par année, en français, ça peut prendre un an et demi parfois ou un peu plus, mais tout de même, on est gâté. Comme à l'habitude, Donna Leon nous propose une intrigue. Il y a une intrigue de départ. Dans ce cas-ci, une femme âgée est retrouvée morte dans son appartement. Évidemment, il y a l'enquête, le légiste déclare que c'est un accident, mais il y a des petits doutes. Il ne mettra pas ses doutes dans le rapport, mais il va en parler au commissaire Brunetti, qui a été appelé sur les lieux et qui lui aussi a un doute. Le patron de Brunetti, le vice-questeur Patta, alors ça, quand on connaît Donna Leon, évidemment, c'est toujours un plaisir de les voir face à face, ces deux-là. Lui, en autant que ça se règle, c'est ce qui fait son bonheur. Et c'est lui qui se présente devant les journalistes aussi. Alors, c'est un personnage qui ne veut pas trop de problèmes. Et pourtant, c'est le patron de Brunetti. Malgré le fait qu'on a presque classé l'affaire comme étant accidentelle, c'est un accident, Brunetti va poursuivre et l'intrigue va se déployer ainsi tout au long du livre et ça va nous amener, et Brunetti va être amené plutôt à découvrir une histoire vieille de 50 ans. On remonte à un testament qui a été falsifié. Bon, ça c'est une chose. C'est l'intrigue. D'un roman à l'autre, il y a toujours une intrigue qui fait en sorte que notre personnage Brunetti, on le suit, on marche avec lui. On est à Venise. On découvre Venise par ses yeux. Évidemment, lui, c'est un Vénitien. Il connaît sa Venise ou son Venise. Et quelle chance pour le lecteur, parce que avec l'intrigue, on a autour de cette intrigue, on a la chance de découvrir les à côté de la vie des authentiques Vénitiens. Et ça, c'est un plaisir, je vous dirais. Les gens disent parfois, ah, c'est un policier. Moi, je ne lis pas les policiers, mais pourtant, moi, je la mettrais dans une classe à part. C'est pas un policier pur et dur. Ce qu'elle écrit, c'est pas pur et dur, comme ça peut l'être chez d'autres auteurs. C'est plus doux un peu. Et il y a toujours l'arrière-plan social, hein, ce qui se passe à Venise. On parlait de bureaucratie tout à l'heure. Ça revient constamment. Donna Leon, elle aime faire rire, elle aime faire émouvoir aussi. Et elle tient à ce qu'il y ait une intrigue, un fil. Et elle le réussit d'un livre à l'autre. Et c'est ce qu'elle réussit aussi aujourd'hui. Il y a aussi qu'on découvre comme deux Venises différentes, hein, par le couple. Oui, parce que, justement, la famille du commissaire, c'est très, très important. On est très attachés, hein, d'un roman à l'autre. son épouse qui l'a connu sur les bancs d'université, car j'ai appris que pour être commissaire de police, il faut avoir une formation universitaire. Bref, Guido a rencontré sa Paola sur les bancs de l'université. Elle, elle est prof d'université d'ailleurs. Ils ont deux enfants qui, au cours du temps, sont devenus de jeunes adultes. Et quand on les voit ensemble revenir à la maison, c'est toujours autour de la table que les choses se disent. Évidemment, la bouffe dans l'univers de Donna Leon, on parlait de Christine Brouillet tout à l'heure, eh bien là aussi, on a droit à des descriptions, à des commentaires. Le poisson frais du jour, ah oui, tu l'as pris où? Le vin, déguster le goût. Et puis tout ça est entremêlé avec des considérations d'ordre philosophique qui viennent de leur fille, qui est devenue végétarienne après très engagée. Leur gars, Rafi, qui lui arrête pas de grandir, donc qui bouffe, puis il s'en fout. Bref, il y a une atmosphère, là, tu sais. Et il y a des habitudes qu'on retrouve avec plaisir. Ils ont leurs habitudes et nous, on les connaît, mais à chaque fois, on les retrouve avec plaisir. Dans ce livre-ci, Deux veuves pour un testament, j'ai été un petit peu frustrée, je dois le dire, parce que ça... C'est seulement à la page 120 qu'enfin il va se mettre à table avec sa famille. Alors, OK, on était dans l'enquête, OK, mais là, je te dis, mais quand est-ce qu'il va rentrer à la maison? Alors... on n'est pas habitué, hein, qu'il travaille jour et nuit parce qu'il est quand même, c'est un fonctionnaire italien. C'est un fonctionnaire italien. Il suit son horaire et pas d'extra. Tu commençais à avoir faim, finalement. Ah, oui, je me suis ennuyée de ça. Et puis, Donna Leon, ça vaut la peine de parler d'elle, parce que cette femme qui va avoir 72 ans cet été se déclare elle-même comme étant une mercenaire universitaire, parce qu'elle est née au New Jersey en 1942, et puis par la suite, au lieu de s'établir et d'enseigner dans une seule université, puis de faire carrière, elle voulait voir le monde. Alors, elle s'est mise à enseigner l'anglais et la littérature dans différentes universités, et pas seulement dans le monde anglophone ou le monde occidental. Mm-hmm. Elle est allée en Chine. Elle a vécu 4 ans en Iran, qu'elle a dû fuir, d'ailleurs, puisque ça a été la révolution islamique. Et elle a eu peur. Alors, c'est quelque chose qui l'a vraiment beaucoup marquée. Donc, elle est restée là à peu près jusqu'à 86-87? En Iran, en 79. Ouais. En 79. Oh, c'est beau. OK, la première. Oui, la première. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps. Parce qu'il y a une deuxième parce que plus tard. Cette dame, donc, déjà née en 42, elle était adulte, vraiment professionnelle et tout. Et tout ça pour dire que elle allait à Venise sur une base quasiment régulière parce qu'elle avait des amis là-bas. Et comme ça, de fil en aiguille, elle s'est mise à séjourner de plus en plus longtemps. Et elle s'est mise à l'italien et même au vénitien, hein, parce que le vénitien, c'est pas la même chose. Alors ça aussi, je l'ai appris en lisant Donna Leon. L'Italie a autant de dialectes qu'il y a de régions et villes. Oui, et puis ça, nous aussi, on connaît pas ça c'est vraiment. C'est juste en Toscane où on dit que c'est l'italien pur qui est parlé. Et tout le reste, c'est pas longtemps que c'est un pays d'ailleurs. Non, exact. À la fin du 19e siècle. Exact. Et puis, grâce à Donna Leon, elle a décidé de s'établir finalement à Venise. Et puis, c'était au cours d'une discussion autour d'une bonne bouteille de vin, lors d'un bon repas, que les gens qui aimaient beaucoup la musique, et elle, c'est une mélomane et même une amoureuse et plus encore, puisqu'elle supporte des groupes musicaux de musique baroque, classique. Particulièrement du baroque. Alors vraiment, elle partage ça avec son personnage Brunetti. Bref, ils imaginaient assassiner un directeur musical qu'ils détestaient. Et à partir de là, il a eu cette idée d'écrire une histoire, le premier dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis tout découle de ça, finalement. La Felici, c'est un théâtre musical. Exactement, c'est l'opéra de Venise. Comédien, Et son personnage, Brunetti, j'aimerais ajouter qu'elle déclare aussi qu'elle l'aime et il lui ressemble. Ouais. Parce qu'elle serait incapable de vivre avec un personnage aussi longtemps si elle ne l'aimait pas. Donc, c'est un mélomane, c'est un homme très cultivé, un homme curieux, un homme tenace, qui tient ses idées. Qui est fidèle et qui aime sa famille et qui aime sa ville. Surtout quand on se promène avec lui dans les dédales, il connaît l'architecture et l'histoire et tout. Il fait des références. Il connaît aussi la petite histoire. Parce que quand il était enfant, on lui racontait « Ah, tel endroit, il est arrivé telle chose, une femme est tombée dans la lagune, etc. etc. » C'est riche comme univers, là. Vraiment. Alors moi, ceux qui ne l'ont pas lu, ben, vous êtes chanceux. Vous avez l'été tout ça devant vous pour débuter votre lecture de Donna Leon. Est-ce qu'on... Oui. Est-ce qu'on sait si c'est populaire en italien? Elle n'est pas, elle est traduite en 20 langues, mais pas en italien. Elle refuse d'être traduite en italien. Elle voudrait pas être jugée par les. Ben, ce qu'elle dit, hein, c'est qu'elle veut conserver l'anonymat. Parce qu'elle, elle peut se promener avec elle fait ses courses, elle va au marché, elle a ses amis. Très peu de gens à Venise savent. Qu'elle écrit sur, en fait, avec Venise comme écrin. Ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'on sait en combien de langues être traduite? 20. Voilà. Mais pas l'italien. Mais pas l'italien, c'est curieux, hein? Oui. Alors, voilà. Mais je comprends ce choix-là. Puis j'aimerais compléter ma petite intervention. Oui, je sais pas si j'ai un petit peu de temps. J'aimerais vous lire un petit truc parce que le lien entre elle, Brunetti et Venise, elle a écrit une introduction à un livre qui s'appelle Venise sur les traces de Brunetti. Ce sont des promenades. En fait, ça sert de guide touristique pour quelqu'un qui va se promener, mais on se sert comme prétexte des romans de Donna Leon pour créer des parcours qui durent de 1 à 2 heures à Venise. Bref, elle a écrit la préface et elle dit ceci. Brunetti, homme réfléchi, à qui la lecture d'ouvrages historiques a donné une perspective plus longue sur les événements, ne se lamente pas sur l'invasion touristique juste à cause de ces gens qui lui bloquent le passage dans les rues ou qui s'entassent dans les recoins espérant trouver l'angle parfait pour la photo de la ville. Non, c'est d'un point de vue historique qu'il s'inquiète à cause des dégâts occasionnés à la substance même de cette ville qui lui est si chère. C'est le tourisme qui a fait fermer cette boutique où Paola, dans le temps, achetait des boutons et qui le force à présent à traverser toute la ville pour faire refaire les talons de ses chaussures. Et Dieu sait qu'un Vénitien, ça marche. D'ailleurs, il a un permis de conduire, mais parfois, quand il doit quitter Venise et poursuivre... Ah, c'est toute une histoire. Il est malheureux. Hein? Il est vraiment très, très mal à l'aise. C'est très drôle. Voilà. Oui, est-ce que ça nage? Pardon? Est-ce que ça nage, un Vénitien? Très bonne question. Mais ça prend le Vaporetto, ça c'est sûr. Ouais, est-ce que tu nous redonnes le titre? Et peut-être aussi du tout premier pour ceux qui veulent s'y mettre. Alors le tout, celui dont je viens de parler, enfin qui m'a servi de prétexte, la dernière parution, Deux veuves pour un testament, la 20e enquête du commissaire Brunetti. Et le tout premier, c'est Mort à la Fenice. Celui-là, ici, Les deux veuves, c'est paru chez Kalman Levy. Fait que l'autre se trouve probablement maintenant chez Point. Oui, okay. C'est ça maintenant. Oui. Alors, bonne lecture. Vous allez avoir un plaisir fou. Vous allez voir. Elle vous envie, vous n'avez pas idée. Oui. C'est écrit sur son front. On va écouter encore un peu de musique et on revient avec toutes sortes d'affaires. C'était beau, la musique. On est de retour à l'émission Les bouquins. D'abord, merci Gilles. Hein, pour beaucoup de fois, pendant toutes nos émissions, ça a été toi qui as choisi la musique. Ça a toujours été meilleur que mes choix musicaux. Fallait le dire. Ben, c'est parce que c'est de la musique qui est sponsorisée, en bon français, par Donna Leon, ce qu'on a entendu. C'est bien ça. Moi, depuis la semaine dernière, je suis un peu en congé. Fait que j'ai affronté mes piles. C'est pas juste un, hein? Mes piles de livres. J'ai plusieurs projets de lecture pour cet été. Et sur le dessus, depuis décembre, il y a un livre allemand de Mechthild Bormann, Rompre le silence, aux éditions du Masque. C'est un livre qui a gagné le prix du meilleur roman policier de Deutsche Krimi Preis et c'est pas écrit quelle année, je suppose que c'est 2012. j'avais lu la quatrième de couverture et je me suis dit, ah, ça, c'est le genre de livre que j'aime bien, on s'énerve pas. C'est l'histoire où on entrecroise l'aujourd'hui avec le temps du fascisme. C'est pas que c'est Jojo, mais c'est le genre, ça fait toujours des bons polars, mettons. Hein? J'étais en terrain connu et ben non. Ah non? Non. J'arrive là, ça commence comme tous les polars allemands que j'ai lus sur le sujet. Un homme dans la quarantaine qui vit de la maison de son père, sa mère est morte depuis une couple d'années, qui va trouver dans une boîte, finalement, des papiers d'un SS, d'un nom qu'il connaît pas, la photo d'une jeune femme très, très belle. Ça aussi, ça lui dit strictement rien. Il va prendre cette boîte avec les quelques affaires qu'il va garder parce qu'il avait une relation assez trouble avec son père. Il va ramener ça chez eux et il va finir, à un moment donné, avec sa femme, regarder des photos et ça va lui ramener des souvenirs. Qu'est-ce que son père lui a raconté sur sa fin de guerre? Et à partir de là, il va retourner dans cette boîte et dire, il y a quelque chose là. Sur la photo, à l'endo, comme ça se faisait dans le temps, je peux en témoigner, mon grand-père était un photographe comme ça, il y avait les tempes du photographe avec la ville. Fait qu'il est parti, il est allé voir ce photographe-là, qui maintenant, évidemment, est un très vieil homme, mais qui se rappelait très, très bien. C'était qui? Il dit oui, c'est Thérèse. Il dit où trouver des gens qui peuvent la connaître. Et à partir de là, il va faire une enquête. Il va tomber sur la maison où elle a vécu. Et il y a une journaliste qui vit là-dedans, qui va un peu se saisir du dossier et qui va finir par se faire tuer. En parallèle, on retourne dans le temps. D'ailleurs, au début, il y a une liste impressionnante de noms. Et au début, je me suis souvent référée parce que moi, je suis quand même habituée aux noms allemands, mais j'étais assez mêlée, merci. Fait que ça a pas aidé, là. Fait que, ben oui. Mais on s'y fait à un moment donné, je te dirais, après 30-40 pages, on rentre dedans. En parallèle, il y a quelqu'un qui nous raconte l'histoire à partir de l'été 39, l'histoire de ses amis, trois gars, trois filles. Qui, à ce moment-là, sans doute pas encore, c'est des jeunes, ils viennent de finir l'école, ils vont finir partir dans leur vie d'adulte. La guerre est à leur porte, mais il y a certains qui veulent pas le savoir ou qui le savent pas. Et on va faire connaissance avec ces jeunes-là et on va les suivre. Et tout particulièrement, Thérèse, évidemment, et ce SS, Wilhelm Peters, et on va s'en rendre compte que, dans le fond, au départ, c'est pas un mauvais garçon, mais il va vraiment devenir un nazi assez convaincu. Et il y a une histoire qui se déploie là. Je m'attendais pas à ça, parce que cette Thérèse, elle vit encore. Et on glisse de plus en plus. On s'en rend compte, à un moment donné, qu'on est avec elle sur l'île de Majorque, en Espagne, où elle, maintenant vieille, se rappelle tout cela. Entre-temps, l'enquête continue. Il y a Robert Lubitsch, ce fils, qui enquête de son côté. Et il y a un policier, et pour une fois, c'est un policier assez heureux. Calique, mollo. Il y a deux chats, Lily et Marlène. Et on va faire connaissance c'est avec bon, leur caractère. Et lui, il est dans son petit village, le policier. Il fait son enquête et il sait que dans la grande ville à côté, c'est eux autres qui sont saisis de l'enquête, mais c'est lui qui connaît les gens. C'est lui qui arrive à parler avec eux autres. Tandis que le grand échalot, comme il l'appelle, le flic énervé de la grande ville, Kleve, qui est pas si grand que ça, ceci dit en passant, lui, il arrive à rien avec ces gens-là. Et lui, il va continuer son enquête lui aussi. Et à un moment donné, on s'en rend compte que Lubitsch va trouver Thérèse. Il va y aller. Et là, elle va se mettre à parler. Et à un moment donné, on ne sait même plus qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui est su par quelqu'un d'autre et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça, c'est assez fascinant. Comme construction de polar, j'ai trouvé ça vraiment bien. Parce que moi-même, bon, nous, on a évidemment tout le contenu, mais... on ne sait plus qui c'est quoi. C'est assez fascinant. En tout cas, moi, là, c'était, pour commencer l'été, très bien parti. Mechthild Bormann, rompre le silence. J'aimerais ça te l'emprunter. C'est fait. Tiens, il a passé le bord. C'est ça. C'est pour ça qu'on fait la radio ici. Hein. Et là, J'ai d'autres projets de lecture. Bon, moi, qu'est-ce qu'il y a sur ma pile? Les derniers Stephen King. Ça a commencé avec un Stephen King, on est rendu à deux. Ça lâche pas parce que avec les livres sur Kennedy, j'ai renoué avec Stephen King. Je l'ai comme redécouvert. Je l'avais délaissé pendant une dizaine d'années. Et finalement, non, je suis réconciliée. Je veux lire Dr. Sleep. Et là, il y a Hollywood. Pourquoi les Français sont pas capables de mettre un titre français sur des choses? Je comprendrai jamais. C'est difficile. De moins en moins. En plus, c'est même pas le même titre qu'en anglais. En tout cas, grand mystère. Mais je vais le lire pareil. Stephen King, donc. Stéphane Arroy. Ça pognerait moins. Hein? J'avais commencé toute une lecture d'Alice Munro quand elle a gagné le Nobel. Et je vais continuer parce que j'aimerais vraiment beaucoup qu'on finira par faire un spécial sur elle ici à l'émission. Et j'ai déjà mes petites idées et des amis que j'aimerais avoir avec moi pour faire ça. Parce que Alice Munro, je la connaissais pas quand elle a gagné le Nobel. Je m'en voulais. Parce qu'il me semble, ça fait 23 ans que je suis au Canada, j'aurais dû la connaître. Je connaissais même pas une nouvelle et je découvre un univers et à les lire vraiment une à une, là, je découvre, il se déploie comme tout un univers, surtout un univers de femmes. C'est vraiment de toute beauté et finement ciselé, toutes ces nouvelles-là. Et moi, je suis pas une très grande lectrice de prix. Il y a Pierre Lemaitre qui a gagné en 2013 le Goncourt. Mais là, pour une fois que c'est un polar, je me suis dit, il faudrait bien que je le lise. Fait que je me suis procuré plusieurs livres de lui. Et là, tant qu'à lire, je lis pas juste le Goncourt. Je vais faire une lecture de 4-5 livres de lui. Oui, c'est ça. Pour dire que... il y a plein d'autres affaires. J'ai des polars scandinaves que personne connaît, parce que ça aussi, c'est une thématique que je voudrais traiter à l'émission. Tu sais, en dehors des Mankell, Stieg Larsson, Camilla Läckberg. Oui, entre autres. Oui, toi, t'arrives déjà. Je suis en train justement de lire la trilogie Les visages de Victoria Bergman de Erik Axelsson, qui sont en fait deux auteurs, deux anciennes rockstars, deux rockstars avec vraiment le look rockstar, les lunettes c'est pour de Viator sur la tête, les cheveux longs. Axel Red ou peut-être, effectivement. Donc, j'avais lu juste avant Noël, Persona, le tome 1. Je l'avais vu, Marie-Hélène. En librairie, l'avais vu et... D'ailleurs, j'ai un peu traumatisé beaucoup de gens dans le temps des fêtes parce que c'est l'histoire où on trouve plein d'enfants morts, mais d'une manière très, très cruelle. Alors, boy! C'est vraiment bon, c'est plein d'enfants morts. C'était mon pitch. À Noël, c'est bon, tu sais. C'est excellent, exactement. Dans celui-là, on est plus dans les femmes, des femmes qui ont été des victimes de pères pédophiles, d'inceste. Donc, c'est encore très, très joyeux. Le troisième tome sort au mois de juin. J'imagine qu'on va être aussi dans la grande noirceur pour ce troisième tome-là. Ouais. Donc, c'est un auteur, c'est un duo d'auteurs à découvrir. Oui. Ben, très bon. Moi, je vais m'engager à quelque chose. Moi, je vais publier à chaque semaine. Peut-être pas au mois de juillet. Pas au mois de juillet. Mais en tout cas, à partir de la mi-juillet jusqu'à mi-août, oubliez-moi, là. Mais c'est encore drôle. Je m'engage à mettre une mini-critique sur la page Facebook de mes lectures. Parce que je me connais, je lis beaucoup. Et c'est pas vrai qu'on va faire des chroniques de mes lectures d'été jusqu'au mois de décembre. On va en faire aussi. Ben oui, je prends les textes, envoyez-moi ça, on les met sur la page Facebook, on va nourrir quand même la page, même si on n'est plus en onde jusqu'au mois de septembre. On va écouter un peu de musique et on va déjà revenir avec le tour de table. Thank you. C'est déjà le dernier micro des bouquins d'abord pour l'année en cours. Hein? C'est, ça a passé vite, ça a passé vite. Trop. Toujours avec Barbe Ranke, et je dirais, on y va en ordre. Marie-Hélène Vaugeois et moi, nous vous avons présenté les promenades, parce que ça s'appelle la promenade des écrivains, mais on a présenté les promenades. Oui. Et on vous invite d'y aller. Vous allez trouver toutes les coordonnées sur la page Facebook. Et on va mettre aussi des photos de notre tour. Une excellente manière de découvrir notre ville. Oui, et c'est pas vrai que la littérature attire pas les gens. C'est tellement chouette de se faire raconter une histoire devant le lieu où ça a lieu. C'est faire les liens entre les bâtiments, l'histoire, la littérature, c'est merveilleux. Oui, hein, on a aimé. Ah, hein. Beaucoup. Oui, M, on a beaucoup aimé ça. On passe à Marseille. Tu nous redonnes des références, Gilles? Alors, c'était de Jean-Claude Izzo qui est décédé après avoir écrit... Oui, absolument. Puis son héros, il fume beaucoup, puis c'est de ça qu'il est mort aussi. Fabio Montale, c'est l'alter ego de Jean-Claude Izzo, c'est lui, comme personnage de gauche. Oui, mais aussi comme un fan de la bouffe, parce que dans Izzo, il y a, dans la trilogie Montale, il y a de la bouffe, mais pas à peu près, beaucoup de poissons. Beaucoup de vin. C'est bon pour le cœur, ça. Honorine, c'est sa voisine qui lui prépare ses repas, parce que lui, évidemment, il a pif-paf, il n'a pas le temps de se faire à manger. Et puis donc, sa bienheureuse voisine lui prépare ses repas. C'est comme si c'était sa mère. Bref, la trilogie, Fabio Montale, Total Chaos, Chourmeau, Solea, si vous voulez passer un été ensoleillé et orageux en même temps, parce que c'est d'une violence assez... Ça finit dans une violence assez remarquable. C'est Folio. C'est Folio. Merci, voilà. Gilles Chomel. On passe à Venise. Oui, alors comme je le mentionnais, et je vous Donna Leon, n'est-ce pas, cet auteur vraiment, qui incarne Venise, ou c'est incontournable, ne serait-ce qu'à titre de voyageur, si vous allez à Venise, moi je vous dis, lisez Donna Leon. Si vous savez que vous n'irez jamais à Venise, je vous dirais, lisez Donna Leon. Et je vous suggère, bien que les romans se lisent indépendamment les uns des autres, puisqu'il s'agit de la 20e enquête de son personnage, le commissaire Brunetti. Alors, je vous suggère vraiment de commencer par le premier. Vous trouverez la référence soit sur Internet, la liste de tous ses romans, ou à votre bibliothèque préférée, ça c'est sûr. Et pour l'été, je vous garantis que c'est une excellente lecture. Chez Calman Lévy. Puis, je vous ai rapidement parler aussi de Venise sur les traces de Brunetti, un livre publié chez Calman Lévy, mais qui est comme un guide touristique qui s'inspire des romans qui mettent en scène le commissaire Brunetti. Merci, Pauline Bolduc. Moi, je vous ai parlé de Mechthild Bormann, Rompre le silence aux éditions du Masque, de Pierre Lemaitre, de toutes sortes d'affaires. Vous allez voir ça sur la page Facebook. Marie-Hélène Vaugeois, gros merci d'avoir été là. Pauline Bolduc, merci. Mais de rien. Gilles Chomel. Gerrit Hager, qui a été l'homme fort à la mise en onde, assisté de Gilles Chomel très souvent, qui prenait le relais quand Gilles ne pouvait pas. Je vous souhaite un bel été, faites des belles lectures et on se retrouve en septembre. Bye! Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Cette émission était une présentation de Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Emballés sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Partez à la découverte de l'univers de la bande dessinée, du manga, de l'animation, de l'illustration et du fanzine. La vie en BD, en compagnie de Raymond Poirier et son équipe, tous les vendredis dès 17h30. CKRL, votre porte d'entrée vers le 9e art. CKRL a le mandat de faire la cueillette de matières recyclables lors de la fête nationale et on souhaite votre participation. Alors, qu'est-ce que vous faites le 23 juin prochain? Venez passer une soirée agréable tout en contribuant au financement de votre station et aussi à la propreté de votre ville. Faites part de votre intérêt en écrivant à direction@commercial.ckrl.qc.ca ou par téléphone 88 640 2575 poste 201. Cette semaine au cinéma Le Clap, voyez Amazonia,